Donc on commence. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le chapitre numéro, donc le dernier cours c'était le chapitre 9, donc aujourd'hui on commence le chapitre numéro 10. Et donc aujourd'hui c'est le cours numéro 15 et on est arrivé au chapitre numéro 10. Donc le titre du chapitre aujourd'hui c'est Ma ja'a fi dhabh li ghayrillah. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du fait de sacrifier ou d'égorger un animal, d'immoler un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh explique ici, il mentionne le premier verset. Donc, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, « Wa qawlillahi ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lahu wa bithalika ubirtu wa ana awwalul muslimin. » Ce sont les versets 162 et 163 dans le chapitre dans Surat al-An'am. 162 et 163 dans Surat Al-An'am. Donc on va lire ensemble la signification de ces deux versets-là pour comprendre en quoi ils ont un lien avec le sujet du titre de ce chapitre. Dans ces versets, Allah dit, « Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, inna salati wa nusuki. » Mes actes de dévotion. Et on va voir que nusuki, en réalité, ça veut dire, nusuk, c'est dhabh. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a été immolé ou sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, inna salati wa nusuki wa mahyaya. De même que ma vie, wa mamati, et ma mort, appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné, je suis le premier à me soumettre. Donc ça c'est le premier verset qui est mentionné dans le chapitre 10, c'est-à-dire ما جاء في الذبح لغير الله. Le cheikh dit ensuite وقول الله تعالى. Donc ça c'est le verset. Il explique ومناسبة الباب لهذا لكتاب التوحيد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. Donc l'occasion pour laquelle on a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce qu'il y a dedans la clarification d'une forme parmi les différentes sortes de shirk qui opposent le Tawhid, c'est-à-dire de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, puisque d'immoler ou de sacrifier un animal, ça fait partie des adorations. Et donc de le faire pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans ce cas-là une forme de shirk. Le cheikh explique, il dit, donc il explique, il mentionne le titre, ما جاء في الذبح لغير الله. Qu'est-ce qui a été rapporté? أي من الوعيد وفي بيان حكمه. Donc qu'est-ce qui a été rapporté de menace au sujet du fait d'égorger, d'immoler ou de sacrifier un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et la clarification du verdict de celui qui sacrifie un animal ou qui égorge un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne donc les termes qui sont mentionnés dans le chapitre et dans la preuve, la première preuve qui est le verset. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي. Dit au Muhammad, à ces gens, que ma salat, c'est-à-dire ma prière, wa nusuki. Hein, nusuki, c'est-à-dire zabhi. Le cheikh dit, c'est ce que j'ai égorgé, mon sacrifice, hein, ce que j'ai immolé. Donc, mahya wa mahyaya, c'est-à-dire ma ataytuhu fi hayati. Ce que j'ai fait durant ma vie. Wa mamati, ma amutu alayhi min al-iman wa al-amal as-salih wa mamati, c'est-à-dire ce sur quoi je meurs, c'est-à-dire hein, ce sur quoi je meurs par rapport à ma foi et mes bonnes œuvres, ce que j'ai comme foi et bonne action au moment où je meurs. Wa bidhalika umirt, la sharika lahu wa bidhalika umirt, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que je fais, donc toutes ces choses-là, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort, tout ça, ça appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a nul partenaire et aucun associé. Hein? Et c'est cela que j'ai été commandé de faire. وَبِذَلِكَ أُمِرْتَ أَيْ أَمَرَنِي رَبِّي بِالْإِخْلَاصِ فِي الْعِبَادَةِ. C'est-à-dire, mon Seigneur m'a ordonné et m'a commandé de faire preuve de pureté et de sincérité dans mon adoration. Hein? وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي أول من يمتثل من هذه الأمة. C'est-à-dire, je suis le premier d'entre ceux qui implémentent et appliquent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi cette Ummah. Donc ça, c'est une parole que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager de dire aux mushrikin et aux hommes en général. Puis après, il dit وَالْمَعْنَى الْإِجْمَالِ لِلْآيَةِ يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويسبحون لغيره إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا عكس ما أنتم عليه من الشرك به. Donc la signification générale de ce verset, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset à son prophète de dire aux mushrikin qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et qui immolent et qui égorgent des animaux ou sacrifient d'autres qui sacrifient des animaux pour autres que lui, que c'est-à-dire le prophète il ordonne à son messager de dire à ceux-là, moi je purifie ma prière pour Allah seul, de même que mon sacrifice pour Allah seul, et tout ce que je fais durant ma vie, et ce sur quoi je meurs comme foi et comme bonne action, je le tourne uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'offre uniquement à Allah seul, sans rien associer avec lui, le contraire de ce que vous êtes en train de faire comme acte de shirk. Hein, en offrant vos œuvres et vos actes d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux messagers de dire aux mushrikins. Ensuite, le cheikh il dit au munasabatu al-ayati lil-bab annaha tadullu ala anna adh-dhabh li ghayri Allah shirkun. Donc, pour quelle raison on mentionne ce verset dans ce chapitre? C'est parce que ce verset indique que le fait de sacrifier quelque chose pour autre que Allah, c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk. Ensuite, le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? أولاً أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه قرنه بالصلاة فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. Donc le cheikh explique que le premier point qu'on peut comprendre par rapport à ce verset, c'est que le fait de sacrifier ou d'immoler un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk majeur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rallié à la prière. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le fait d'immoler Hein, un animal, il le rallie avec la prière. Il le mentionne en même temps que la salat. Donc, de la même manière que celui qui fait la salat pour autre que Allah, hein, il offre sa prière à autre que à Allah. Donc, il a commis le shirk en faisant ça. Donc, de la même façon, celui qui sacrifie ou qui immole un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi a également commis un acte de shirk. Le point numéro 2, ثانياً, أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. Donc, le fait de faire la salat et le fait d'immoler et de sacrifier un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des plus grandes formes d'adoration. ثالثاً, وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات. Troisièmement, l'obligation de faire preuve d'ikhlas, c'est-à-dire de pureté et de sincérité pour Allah seul, dans notre adoration et dans toutes les différentes formes d'adoration. Rabi'an, anna al-ibadat tawqifiyya, ay mutawqifatun ala amri shari' liqawlihi wa bidhalika umirt. Le point numéro 4, c'est la preuve que, hein, on peut tirer de ce verset que les actes d'adoration sont limités à la révélation. Et on doit s'arrêter aux règles de la révélation au sujet des adorations en général. Donc, on doit les faire telles qu'elles sont mentionnées par le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le prend ou on le tire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, lorsqu'il dit « وَبِذَلِكَ أُمِرْتَ ». Hein, et c'est ce que et c'est ce qui m'a été commandé de faire. Et ensuite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne rahimahullah comme preuve par la suite un autre verset du Coran qui est le verset 2 dans sourat Al-Kawthar, dans lequel il dit fasalli li rabbika wanhar, c'est-à-dire établis la salat pour ton Seigneur et immole, hein, ou sacrifie un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique justement à propos de ce verset, فَصَلِّ لِرَبِّكَ أَيْ لَا لِغَيْرِهِ, c'est-à-dire établis ta salat pour Allah, c'est-à-dire et non pas pour autre que lui. وَنْحَرْ أَيْ إِذْبَحْ. Donc وَنْحَرْ, c'est le verbe impératif, hein, du fait de sacrifier ou d'immoler ou d'égorger un animal. Fasalli li rabbika wanhar. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. Ya'muru Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yukhlisa aw an yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. Donc le sens général de ce verset, c'est que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète de purifier sa salat pour Allah seul et de purifier également son immolation ou bien son sacrifice, contrairement à ce que font les mushrikin qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui égorgent pour leurs idoles. Hein? Donc Allah ordonne à son prophète de purifier son adoration, sa salat et son sacrifice pour qu'il soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit ensuite وَمُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ أَنَّ الذَّبْحَ عِبَادَةٌ يَجِبُ إِخْلَاصُهَا لِلَّهِ وَصَرْفُهَا لِغَيْرِهِ شِرْكٌ أَكْبَرٌ. Donc le cheikh explique, le cheikh Al-Fawzan, il explique que pour quelle raison on mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est parce que le fait d'immoler ou de sacrifier un animal, c'est un acte d'adoration et donc c'est obligatoire de faire preuve d'ikhlas, c'est-à-dire de pureté pour Allah et de sincérité pour Allah dans cette adoration. Et de l'offrir, d'offrir cette adoration-là à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ça constitue un acte de shirk majeur. Ça constitue un acte de shirk majeur. Ma yustafadu min al-aya. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? Le cheikh dit, أولاً أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. Donc le cheikh il dit comme premier point que le fait de sacrifier un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk majeur, parce que c'est une adoration. Donc si tu égorges quelque chose pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk majeur, parce que c'est une adoration, et d'offrir une adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une forme de shirk majeur. Ça c'est une règle, et on devrait tous mémoriser cette règle, et on devrait tous la connaître et la comprendre, parce que c'est la définition du shirk, c'est-à-dire d'offrir à Allah, d'offrir une adoration quelconque à autre que à Allah, ça, ça constitue une forme de shirk majeur. D'accord? Donc le shirk c'est ça, la base du shirk c'est ça, c'est ce que ça signifie, c'est d'offrir à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration. La, le deuxième point qu'on peut tirer de ce verset, c'est أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. C'est-à-dire, le deuxième point, c'est que la salat et le fait d'immoler un animal, de faire un sacrifice, ça fait partie de deux parmi les plus grandes formes d'adoration dans l'islam. Et le point numéro 3, c'est que أن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. Donc dans ce verset le cheikh il dit que comme troisième point dans ce qu'on peut tirer comme bienfait dans ce verset, c'est que la salat et le fait d'immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des plus grandes formes de reconnaissance envers les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ces deux formes d'adoration-là à la suite d'une grâce qu'il nous a donnée, c'est-à-dire, ou qu'il a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est suivi donc, il débute par le fa. Le fa qui indique que c'est le résultat d'une cause, hein, que c'est le résultat d'une cause, ou bien que c'est la, donc, étant donné que Allah nous a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-kawthar, il lui ordonne comme par conséquence ou bien par conséquent de faire preuve de reconnaissance en établissant la salat et en immolant ou en sacrifiant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que le fait d'établir la salat et de sacrifier un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les grandes formes de reconnaissance des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est ce que le cheikh explique, puisqu'il dit que, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, lui a donné le kawthar, eh bien il lui demande en reconnaissance de ça, de faire preuve de reconnaissance en établissant ces deux actes d'adoration là. Ensuite, le cheikh il mentionne maintenant l'autre hadith qui est rapporté selon يعني qui est rapporté selon Ali ibn Abi Talib par l'imam Muslim, hein? Donc le cheikh il dit an Ali, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit an Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من أوى محدثا ولعن الله منح لعن الله ولعن الله من غير منار الأرض أي نعم ولعن الله من غير منار الأرض. C'est-à-dire que Ali, ça c'est rapporté par Muslim, rawahu Muslim. Donc c'est rapporté selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de quatre choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de quatre paroles. La première, c'est que Allah maudit celui qui égorge pour autre que Allah. Ça, c'est la première. La deuxième, que Allah maudit celui qui maudit ses parents, ses deux parents. La troisième, c'est et que Allah maudisse celui qui protège un criminel ou bien qui protège un innovateur. Et la troisième et la quatrième parole, que Allah maudisse celui qui change l'indicateur du terrain ou l'indicateur de la terre. Donc on va expliquer maintenant un peu plus les termes qui sont mentionnés dans ces hadiths-là avec les explications du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc le premier point qui est mentionné, le Cheikh dit la'an Allah. Al-la'natu min Allah al-tard wal-ib'ad wa min al-makhluqin al-sab wal-du'a. Donc quand on dit la'an Allah, ça veut dire quoi? La'ana, ça veut dire la malédiction. Ça veut dire la malédiction. Et quand on parle de la malédiction d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le fait que Allah subhanahu wa ta'ala rejette quelqu'un et qu'il l'éloigne de sa miséricorde, qu'il le repousse et qu'il le rejette et qu'il l'éloigne de sa miséricorde. Ça, c'est la signification de la'ana quand on parle de ce verbe par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-la'na, la malédiction, ça veut dire at-tard wa al-ib'ad, c'est-à-dire de repousser ou d'éloigner quelqu'un de la miséricorde d'Allah. Et en ce qui concerne les créatures, lorsqu'on mentionne le fait de mentionner le verbe la'ana de la part d'une créature, ça veut dire l'insulte et l'invocation contre cette personne. Donc quand tu dis la'ana une personne à la'ana une autre, ça veut dire qu'il a insulté cette personne et qu'il a fait un dua contre cette personne pour que Allah la maudisse et l'éloigne de sa miséricorde. Et bien entendu, ça c'est quelque chose qui est très grave. Hein, c'est quelque chose qui est très grave. Et par rapport à cette question-là, justement, les ulama, ils mentionnent qu'on n'a pas le droit de maudire un individu en particulier. On n'a pas le droit de maudire un individu en particulier. Yani de façon spécifique. Et donc, le Cheikh explique. Ensuite, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Donc, dhabaha li ghayri Allah min al-asnam ou al-awliya was-salihin ou al-jinn ou ghayri dhalik. Donc, c'est-à-dire que Allah maudisse celui qui a sacrifié ou immolé pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les idoles, parmi les saints ou les hommes pieux, hein, et les djinns, parmi les djinns ou bien parmi les autres créatures. Donc si quelqu'un a égorgé un animal pour une idole ou pour un saint ou pour un homme pieux, hein, un salih ou bien un djinn ou un être humain ou peu importe quelle autre chose pour laquelle il a égorgé, que ce soit une tombe ou autre, alors dans ce cas-là, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne l'autre partie, la'ana Allahu, hein, man la'ana walidayhi. Donc Allah maudit celui qui maudit ses parents. Al-muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in alaw. سواء باشر لعنهما أو تسبب فيه بأن لعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل أو فيرد عليه بالمثل. Donc le Cheikh explique que يعني quand on dit que Allah maudit celui qui maudit ses parents, qu'est-ce qu'on veut dire par les parents? C'est le père et la mère, même si c'est en montant, dans le sens que si c'est soit que c'est ses parents, son père et sa mère, ou bien ses grands-parents, et ainsi de suite. D'accord? Donc si on maudit ses parents, ou ses grands-parents, ou ses ancêtres, eh bien ça rentre là-dedans. Donc ça rentre dans ce hadith. C'est pas seulement ton père et ta mère directement, ça peut être aussi les parents de tes parents, ou les ancêtres de tes parents. Donc si tu les as maudits toi-même, donc tu rentres dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu les as maudits toi-même directement. Donc celui qui maudit ses parents, il est maudit par Allah. Peu importe qu'il les ait maudits lui-même directement, ou bien qu'il a été une cause dans le fait que ses parents aient été maudits, dans le sens que cette personne, elle a maudit les parents de quelqu'un d'autre, et donc la personne, pour se venger, a maudit ses parents à lui. Donc, à cause de ça, hein, à cause de ça, il a été la cause dans le fait que ses parents ont été maudits. Et donc, il rentre également dans qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith, c'est-à-dire qu'il est maudit par Allah, puisque même s'il n'a pas lui-même maudit ses parents, il a maudit les parents de quelqu'un d'autre, et donc il a été une cause dans le fait que ses parents à lui soient maudits à cause de ça. Et donc il faut éviter ce genre d'attitude, hein, il ne faut pas maudire les parents des autres, justement pour éviter que en retour nos parents soient maudits, puis qu'on soit maudit par la suite par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. Ensuite, la troisième parole qui est mentionnée, c'est لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا آوَى أَيْ ضَمَّ وَحَمَى. Donc, آوَى, ça veut dire protéger et ramener quelqu'un vers soi ou le rapprocher dans le but de le protéger. مُحْدِثًا مُحْدِثًا بِكَسْرِ الدَّالِ الْجَانِي وَبِفَتْحِهَا وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُبْتَدَعُ في الدين وإيواءه الرضا به. Donc le cheikh explique que on peut dire لعن الله من آوى محدثا, on peut dire محدثا ou on peut dire محدثا, c'est-à-dire que sur le dal on peut mettre soit le kasra ou le fatha. Si c'est une kasra, donc محدثا ça veut dire الجاني, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis un crime, quelqu'un qui a fait un crime contre quelqu'un d'autre. Donc, Allah maudit celui qui le protège, hein, et qui empêche les gens de l'attraper. Wa bi fathiha, c'est-à-dire si tu le dis avec le fatha sur le dal, au lieu de dire muhdithan, tu dis muhdathan, dans ce cas-là, c'est la chose qui a été innovée dans la religion. Hein, donc, Allah maudit celui qui protège ou qui défend une innovation ou un innovateur. Donc, c'est-à-dire le protéger dans le sens qu'il est satisfait de cette innovation-là ou de celui qui fait cette innovation. Le cheikh, il explique la quatrième partie. وَغَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ. مَنَارُ الْأَرْضِ هِيَ الْمَرَاسِيمَ الَّتِي تُفَرِّقُ بين ملكك وملك جارك وتغيرها وتغييرها يكون بتقديمها أو تأخيرها. Donc le cheikh explique que la signification ici, lorsqu'on dit غير منار الأرض, c'est-à-dire quelqu'un qui a changé l'indication qui montre la délimitation de son terrain par rapport au terrain de son voisin. Donc il le change soit en l'avançant ou soit en le reculant. Hein? Et ça, c'est bien entendu quelque chose qui est haram, puisque tu changes l'indication de la fin ou du début de ton terrain par rapport au détriment de ton voisin. Et donc ça, c'est bien entendu, c'est un acte d'injustice, c'est haram. Ensuite, le cheikh, il dit « Al-ma'na al-ijmali lil-hadith » La signification générale du hadith en question. C'est, le cheikh dit, يحذر صلى الله عليه وسلم أمته من أربع جرائم فيخبر أن الله تعالى يطرد من رحمته من ارتكب واحدة منها. الأولى التقرب بالذبح إلى غير الله لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. Donc, le cheikh, il explique comme signification générale de ce hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avertit sa umma de quatre crimes. Avertit sa umma contre quatre crimes. Et il nous informe que Allah subhanahu wa ta'ala va chasser de sa miséricorde chacun d'entre eux ou chacun d'entre ceux qui ont commis un de ces crimes. Le premier, Al-Ula, c'est le fait de se rapprocher d'autre que d'Allah en immolant ou en sacrifiant un animal. Hein? Donc si on sacrifie un animal pour se rapprocher d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, on est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est une forme d'adoration qui est offerte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, à autre que celui qui mérite cette adoration, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc le shirk, hein, c'est une des causes de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan aw athaniya man da'a ala walidayhi bil la'na aw sabbahuma aw tasabbaba fi dhalika bi an yasdur minhu dhalika fi haqqi abawayhi shakhs fa yurad alayhi dhalika ash-shakhs bil mithli. Donc le cheikh explique que celui qui a invoqué la malédiction ou la la'na, ou bien qui a insulté ses parents, hein, ou bien qui a été la cause dans le fait que ses parents soient maudits ou insultés, du fait qu'il a insulté les parents de quelqu'un, et cette personne-là s'est vengée en insultant ses parents par la suite. Donc, étant donné qu'il a été une cause dans ça, alors il est responsable. Et donc, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça, comme on l'a expliqué tout à l'heure. « Al-thalitha man hama janiyan » مستحقا للحد الشرعي فمنعه من أن يقام عليه الحد أو رضي ببدعة في الدين وأقرها. Donc la troisième chose, le troisième point dans l'explication générale de ce hadith, c'est quiconque protège un criminel qui mérite qu'on lui établisse une peine ou un châtiment selon la charia et qui a fait en sorte qu'on empêche que cette peine soit établie sur cette personne qui mérite cette peine, donc elle est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, qui est une personne qui a été satisfaite d'une innovation dans la religion et qui l'a approuvée, donc cette personne-là également fait partie de ceux qui sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il donne comme explication pour le quatrième point, « Man tasarrafa fi marasim al-ard allati » تفرز الحقوق فقدمها أو أخرها عن مكانها فينشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض غيره ظالما. Donc le cheikh explique que comme quatrième point, que celui qui change les indicateurs de la terre et qui donc essaie de prendre les droits qui reviennent à quelqu'un d'autre, en avançant l'indicateur ou en le reculant de son emplacement, et donc ça fait en sorte que la terre qui lui appartient est la terre qui appartient à son voisin est coupée, hein, et donc ça c'est une forme d'injustice envers son voisin. Donc cette personne qui fait ça, elle est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit munasabatul hadith lil bab أن فيه دليلا على غلظ تحريم الذبح لغير الله حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله. Le cheikh il explique l'occasion pour laquelle ce hadith est mentionné dans ce chapitre, et il dit que il y a dans ce hadith, la raison pour laquelle c'est mentionné, c'est parce que dans ce hadith il y a la preuve de la sévérité et de la gravité de l'interdiction du fait d'égorger pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou d'immoler pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait que celui qui le fait yani est le premier à mériter, la personne qui le fait est la première à mériter d'Allah subhanahu wa ta'ala la malédiction. Hein, du fait que celui qui le commet est le premier cas mentionné par Allah, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui méritent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cas de la personne qui immole pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit ma yustafadu min al hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Awalan, anna al-dhabh li ghayri Allah muharramun. محرم شديد التحريم وشرك في مقدمة الكبائر. Donc le cheikh explique que le fait de sacrifier ou d'immoler un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk, Et c'est une, donc c'est donc une interdiction qui, c'est quelque chose qui est interdit, qui est haram, et qui est une interdiction sévère. Et c'est une forme de shirk qui est au-devant de toutes les différentes formes de grands péchés. Deuxièmement, أن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده. C'est-à-dire que le fait d'immoler un animal ou de le sacrifier, c'est une forme d'adoration qui est obligatoire, hein, pour Allah seul. C'est-à-dire, c'est obligatoire de l'offrir uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, تحريم لعن الوالدين وسبهما ومباشرة أو تسببا. Donc le cheikh explique comme troisième point qu'il est interdit de maudire ses parents, ou soit directement ou indirectement, c'est-à-dire dans, en étant la cause dans le fait qu'ils se font maudire par quelqu'un d'autre ou insulter par quelqu'un d'autre. رابعا تحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليه وتحريم الرضا بالبدع. Donc comme point numéro 4, il y a dans ce hadith l'interdiction du fait de venir en aide aux criminels et de les protéger contre l'application sur eux des peines de la charia, et l'interdiction également d'être satisfait des innovations et des bid'a. Le point numéro 5, le cheikh dit تحريم الصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير. L'interdiction de changer, hein, de changer les limites de la terre, soit en l'avançant ou en la reculant. وسادسا جواز لعن أنواع الفساق لأجل الزجر عن المعاصي. جواز لعن أنواع الفساق لأجل الزجر عن المعاصي. Donc le cheikh explique, il dit qu'il est permis de maudire certaines catégories de pécheurs dans le but de les de faire en sorte qu'ils cessent de faire ces péchés-là, hein. Et donc c'est pour dire que c'est permis de maudire une catégorie, hein, comme on l'a expliqué. Mais tout à l'heure, comme j'ai expliqué, les ulama mentionnent que c'est pas permis de maudire un individu en particulier ou un individu précis, mais c'est permis de façon générale, comme Allah il le fait dans le Coran. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Donc ainsi de suite, c'est permis de maudire des catégories de personnes ou des groupes de personnes de façon générale, mais de maudire une personne en particulier, ça c'est pas permis, hein. Et le cheikh il mentionne ensuite un autre hadith qui est le dernier hadith mentionné dans ce chapitre là et c'est un hadith très important et très intéressant également, au sujet justement du fait d'égorger ou d'immoler pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal dans la Musnad. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad et également il est rapporté par l'imam Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf. Et j'ai dit dans la Musnad, mais c'est pas dans la Musnad en fait, c'est dans le livre de Az-Zuhd de l'imam Ahmad dans Kitab Az-Zuhd. Et Abu Nu'aym il l'a mentionné également dans Al-Hilya. Selon, il l'a rapporté selon Tariq ibn Shihab an Salman al-Farisi موقوفا بسند صحيح. Donc ça veut dire que il est rapporté par Tariq, selon Tariq ibn Shihab dans Hilyat al-Awliya de Abu Nu'aym, selon Salman al-Farisi موقوفا, c'est une parole de Salman al-Farisi et c'est rapporté avec une chaîne de transmission qui est bonne. Donc, il est authentique en tant que parole de Salman al-Farisi, en tant que parole d'un sahabi, c'est-à-dire Salman al-Farisi. Mais en tant que hadith, il est mentionné comme étant da'if. Il est mentionné comme étant da'if. Il n'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique. Donc, qu'est-ce que ça dit ce hadith? On va le lire. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Donc dans cette histoire, donc dans cette histoire il y a yani le fait que on mentionne que deux hommes, il y a un homme qui rentre au paradis à cause d'un moustique ou d'une mouche, et un autre est rentré en enfer à cause d'une mouche. Ils ont dit, comment cela est-ce possible au messager d'Allah? Il a dit, parce que ces deux hommes sont passés par un peuple. Ils sont passés par un peuple qui avait une idole. Et ils ne laissaient personne traverser leur ville ou leur village jusqu'à ce que quelqu'un donne quelque chose en offrande à cette idole. Alors ils ont dit à l'un d'entre ces deux hommes, offre quelque chose en sacrifice pour cette idole et on te laisse passer. Il a dit, je n'ai rien à donner pour offrir comme sacrifice à cette idole. Alors ils ont dit, alors donne en sacrifice même un moustique. Même une mouche. Alors il a donné un sacrifice, une mouche. Il a sacrifié une mouche. Et il est entré, ils l'ont laissé passer, ils l'ont laissé traverser le chemin, sur son chemin, et puis il est rentré en enfer. Et ils ont dit à l'autre, offre quelque chose en sacrifice. Et l'autre a dit, je ne pourrais rien offrir. Quoi que ce soit à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je ne vais rien offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala en sacrifice. Alors, ils lui ont coupé la tête. Et il est rentré au paradis. Ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad. Donc, ça, c'est le hadith en question. Donc, il y a un homme qui est rentré. Ça mentionne qu'il est rentré au paradis. Qu'il est rentré au paradis parce que à cause d'une mouche qu'il a refusé de sacrifier, et l'autre est rentré en enfer à cause d'une mouche. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, Tariq ibn Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa lam yasma' minhu fa hadithuhu mursal sahabi mata Tariq sanata 83 radiyallahu anhu. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que Tariq ibn Shihab, il s'appelle Al-Bajali, Al-Ahmasi. Il a déjà vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. mais il n'a pas entendu de hadith de lui directement. Donc c'est un hadith qu'on appelle mursal. C'est un hadith qu'on appelle, hein, c'est-à-dire quand quelque chose, il y a quand le narrateur, le dernier narrateur, il a pas mentionné de qui il a entendu une parole. Est-ce que c'était d'un sahabi ou non? On dit qu'il est mursal. Mais étant donné qu'il est un sahabi, on dit que c'est le mursal d'un sahabi. Et les ulama, ils acceptent le mursal lorsque la personne qui n'est pas mentionnée, c'est un sahabi. Ok, donc c'est ça. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole attribuée à Salman al-Farisi. Et elle est authentique. Elle est authentiquement attribuée à Salman al-Farisi. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, Fizoubab, hey, bisabab Zoubab. C'est-à-dire, il y en a un qui rentre au paradis à cause d'une mouche et l'autre à cause d'une mouche aussi, mais sauf que lui, il rentre en enfer. Il y en a un qui rentre au paradis à cause de ça et l'autre rentre en enfer à cause de ça. Donc, ça veut dire, il faut pas regarder la grosseur de ce qu'on sacrifie ou ce qu'on égorge pour autre que Allah. Hein, c'est l'acte, dans l'acte lui-même et dans l'intention qui est derrière qui fait que l'acte est shirk en lui. Donc peu importe qu'est-ce que tu sacrifies, hein, du moment que tu le fais, donc c'est un acte de shirk. Et as-sanam, le cheikh il dit makana manhoutan ala surah. Donc on a expliqué déjà dans les cours précédents que le mot sanam en arabe c'est une idole et on l'utilise pour qu'est-ce qui a été sculpté. Hein, sculpté selon la forme d'un objet, d'un animal ou d'un être humain. Donc, ce qui est sculpté et qui a une forme humaine ou animale, on l'appelle idole. En arabe, on le désigne par le terme sonam en particulier. Puisqu'il y a un autre terme aussi qu'on utilise parfois qui est le terme wasan, qui peut être un arbre ou une pierre et qui n'a pas nécessairement été sculpté ou qui a pas nécessairement une forme quelconque. La yujawizuhu, la yamurru bihi wa la yata'addahu. C'est-à-dire les gens de cette ville ou de ce village, ils laissaient personne traverser, hein, ou dépasser le village sans avoir sacrifié quelque chose. Hein, yuqarrib, c'est-à-dire yazbah. Hein, c'est-à-dire sans égorger ou sans sacrifier ou immoler quelque chose pour leur idole. Donc, le cheikh explique la signification globale ou générale de ce hadith. Il dit المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تستغرب وتطلع على وتطلع إلى سياق هذا الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب شيء يسير سبب أمرا خطيرا وأوجب السؤال عن تفصيله وهنا يفصل وهنا يفصل ويقول إن رجلين يظهر أحدهما يظهر أنهما من بني إسرائيل أرادا العبور مع مكان يحل في ساحته صنم يعني يفرض على من تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما وطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركي فأما أحدهما فاعتذر بالعدم فقنعوا منه بأيسر شيء لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك فذبح للصنم ذبابا فتركوه يمر فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه عن الشرك أو لامتناعه من الشرك. Le Cheikh explique que le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe du danger du shirk. Il nous informe du danger du shirk et de la laideur du shirk. Il nous informe, ou il informe ses compagnons, au début de l'histoire, en mentionnant quelque chose qui fait en sorte que on s'étonne et qu'on a envie de comprendre et de connaître par la suite. Pour quelle raison? Puisque dans la parole, dans le hadith, on voit qu'un homme rentre au paradis à cause d'une mouche et qu'un autre rentre en enfer à cause d'une mouche ou un moustique. Alors ça, c'est quelque chose, on voit que pour une raison très très petite, quelque chose de très simple, il y a une conséquence très dangereuse et très grave. Donc ça fait en sorte que quelqu'un se pose la question, qu'est-ce qui a fait que cette personne a mérité un châtiment si grand pour avoir fait une chose si petite en apparence? Alors, ça fait en sorte que la personne pose la question pour demander l'explication et les détails. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il clarifie et il détaille que ce sont deux hommes, et en apparence, ce sont des hommes de Bani Israël, qui ont voulu passer à travers un chemin, et sur ce chemin-là, il y a une idole que des gens adorent et ils imposent à tous les passants qui veulent traverser ce chemin d'offrir un sacrifice, un animal quelconque pour montrer la vénération envers cette idole et pour respecter cette idole. Alors, les adorateurs de cette idole, donc, demandent à ces deux hommes de suivre ce système qu'ils ont établi, qui est un système de shirk. C'est-à-dire, pour pouvoir passer, ils doivent faire le shirk. Et un d'entre eux, il s'est excusé en disant qu'il n'avait rien à sacrifier pour se rapprocher de cette idole. Et donc, il a dit, je ne peux pas puisque j'ai rien. Alors, ils ont été convaincus ou ils ont accepté que cette personne donne en sacrifice n'importe quelle petite chose, même la plus petite des choses. Parce que pour eux, qu'est-ce qui compte et leur but, leur objectif, c'est quoi? C'est qu'ils soient d'accord pour commettre le shirk. Alors, il a sacrifié une mouche ou un moustique. Et ils l'ont laissé passer. Il a eu la vie sauve. Tandis que l'autre, donc il a eu la vie sauve dans cette dunya, sauf que il est rentré dans l'enfer, dans l'au-delà. Parce qu'il a commis un acte de shirk. Et il a été d'accord avec eux sur le shirk qu'on lui a demandé de faire. En égorgeant un animal, pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'autre a refusé de sacrifier quoi que ce soit pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas voulu commettre le shirk. Alors, ils l'ont tué. Et à cause de ça, la conséquence dans l'au-delà, c'est qu'il est rentré au paradis. مناسبه الحديث للباب انه دل على ان الذبح عباده وان صرفه لغير الله شرك. Donc, l'occasion pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est que il indique la preuve que le fait de sacrifier un animal ou d'immoler un animal, c'est un acte d'adoration, et que de le faire pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, de l'offrir pour autre que Allah, c'est un acte de shirk. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith par rapport au bien qui peut être tiré de ce hadith, les points bénéfiques de cette parole de Salman al-Farisi, c'est que on voit que premièrement bayan khuturat ash-shirk walau fi shay'in qalil, c'est-à-dire l'explication, la clarification du danger du shirk même si c'est à partir d'une chose très petite. ثانياً أن الشرك يوجب دخول النار وأن التوحيد يوجب دخول الجنة. Donc deuxièmement, c'est que le shirk oblige qu'une personne entre en enfer et le tawhid oblige qu'une personne entre au paradis. ثالثاً أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. Troisièmement, le Cheikh Al-Fawzani dit que c'est possible qu'une personne tombe dans le shirk sans qu'elle sache que ce qu'elle fait est shirk, hein, qui lui fait mériter l'enfer. Sans qu'elle sache que cela est le shirk qui lui fait mériter l'enfer. Le point numéro 4, At-tahdhiru min adh-dhunub wa in kanat saghiratan fil hisban. Quatrièmement donc, l'avertissement contre les péchés, même si il semble petit dans la balance ou dans nos calculs. Cinquièmement, أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. Donc, cinquièmement, il y a dans cette parole le fait que l'homme est rentré en enfer à cause de quelque chose qu'il n'a pas voulu, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas réellement voulu en lui-même à l'origine. C'est pas ce qu'il voulait, c'est-à-dire il voulait pas égorger quoi que ce soit à l'origine, mais il l'a fait dans le but de pouvoir passer son chemin ou se libérer d'un mal quelconque de la part des adorateurs de cette idole. Donc pour pouvoir continuer son chemin, il a fait ça. Donc ça c'est un autre point qu'on peut tirer de cette parole. Et le point numéro 6, أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار لأن هذا الرجل كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار. Donc, le cheikh explique que le musulman, lorsqu'il commet un acte de shirk, cela détruit son islam et cela le fait rentrer en enfer. Hein? Et c'est pour cette raison-là, hein, il dit pour cette raison-là, parce que cet homme était un musulman, hein, et sinon il n'aurait pas dit, le prophète, ou bien plutôt c'était la parole de Salman, il n'aurait pas dit qu'il est rentré en enfer à cause d'un moustique, puisque le mushrik il rentre pas dans l'enfer à cause d'un mushrik seulement, mais à cause du shirk, hein? On sait très bien que il rentre dans l'enfer à cause du shirk, tandis que le musulman, bien entendu, s'il rentre en enfer pour un péché qui est moindre que le shirk, eh bien il va pas rester éternellement en enfer. Le Cheikh il explique ensuite, il dit سابعاً أن المعتبر عمل القلب وإن صغر عمل الجوارح وقل. Donc il dit le Cheikh au point numéro 7 que ce qu'on prend en considération c'est l'action du cœur, même si l'action du corps est petite, même si l'action du corps est petite, hein, on prend en considération l'action du cœur, hein. Et le cheikh il dit comme point numéro 8, أن الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. C'est-à-dire comme point numéro 8 que le fait d'immoler pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration, et de l'offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk majeur. Le point numéro 9, فضل التوحيد وعظيم ثمرته. C'est-à-dire, le point numéro 9, c'est le mérite du tawhid et la grande récompense qui en découle. Et le point numéro 10, فضيلة الصبر على الحق. C'est-à-dire, le mérite de faire preuve d'endurance et de patience sur la vérité. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puisqu'on vient de terminer notre chapitre aujourd'hui, et on va continuer, inshallah, demain, le chapitre numéro, on va commencer avec le chapitre numéro 11, demain, inshallah, et le chapitre numéro 11, c'est, s'intitule « La yuzbahu bimakanin yuzbahu fihi li ghayrillah » C'est-à-dire, on ne doit pas égorger pour Allah un animal dans un endroit où habituellement on égorge pour autre que Allah. Hein? Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce chapitre-là demain, bi'iznillah. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Et encore une fois, je m'excuse pour le retard aujourd'hui. Hein, étant donné que j'avais un rendez-vous. Donc, à demain, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.